Le mystère de Brighton par Emma Orczy. Chapitre 1er. Aimez-vous le bord de la mer ? Demanda de son coin le bonhomme tout en grignotant son dessert ordinaire, des raisins secs. Je ne parle pas d'Ostende ou de Trouville, mais de l'honnête plage anglaise avec des ménestrels chantant devant les portes, des excursionnistes à 3 shillings l'aller et retour, et des appartements meublés sales et coûteux où l'on vous compte la lumière du hall 1 shilling le dimanche et 12 sous les autres soirs. Aimez-vous ces petites plages ? Je préfère autre chose, n'importe quoi. Moi aussi. Pourtant, j'ai bien aimé un de nos petits trous pas chers pendant une semaine, alors qu'Edward Skinner comparaissait devant le coroner, sous une grave accusation. Je ne sais si vous vous rappelez cette affaire. Celle où M. Francis Morton, l'un des plus notables résidents de Brighton, disparut. Oui, disparut aussi complètement qu'une muscade sous le gobelet d'un escamoteur. Il était riche, heureusement marié, avait une belle demeure et de jolis enfants, et il disparut. Francis Morton vivait avec sa femme dans l'une des grandes maisons du square de Sussex à Brighton. Madame Morton était connue pour son américanisme, ses dîners élégants et ses belles robes de Paris. Elle appartenait à l'une de ces familles américaines multimillionnaires qui fournissent si aimablement de riches épouses aux gentlemen d'Angleterre. Elle avait épousé Francis Morton quelques années auparavant, par pur amour. Pourtant, il n'était ni beau ni distingué. Il avait simplement le type d'un honnête et solide industriel. Les habitudes de M. Morton étaient très régulières. Il partait à Londres chaque matin et revenait à la fin de l'après-midi par le train des maris. Aussi, ce fut en sa demeure une stupéfaction lorsque, le vendredi 17 mars, il ne rentra pas dîner. Hales, l'intendant, constata que Mme Morton semblait très anxieuse et qu'elle mangea peu. Le soir, toujours pas de M. Morton. À 10h30, un groom fut envoyé à la gare pour savoir s'il n'avait vu son maître l'après-midi ou si un accident n'avait pas eu lieu sur la ligne. Le jeune homme interrogea plusieurs porteurs, le sous-chef de gare et 2 policemen. Tous déclaraient que M. Morton ne s'était pas rendu à Londres. À aucun instant, on ne l'avait vu à la gare. Nul accident n'était signalé sur la ligne. Le matin du 18 parut, mais le facteur n'apporta aucune lettre de M. Morton. Mme Morton, en larmes, défigurée par une nuit sans sommeil, télégraphia à Londres, au portier de la grande maison de Cannon Street, où se trouvait le bureau de son mari. 2 heures plus tard, la réponse arrivait. « Pas vu M. Morton hier ni aujourd'hui. » L'après-midi, tout le monde dans Brighton était au courant de cette extraordinaire disparition. 3 jours passèrent et toujours aucun signe de M. Morton. Ce gentleman était si connu dans Brighton qu'il fut facile d'établir nettement qu'il n'avait pas quitté cette ville balnéaire. En effet, personne ne l'avait vu à la gare et justement, le matin de sa disparition, une grande réunion de jeunes cyclistes de la ville avait eu lieu. Il lui était à peu près impossible de passer dans n'importe quel véhicule sur les routes sans être aussitôt vu et reconnu. D'abord, les journaux prirent plaisamment la chose. « Où est M. Morton ?» devint une question comique. On se la posait dans les restaurants et sur la plage. C'était quelque chose comme ce « Avez-vous des homards ?» qui fut si à la mode voici quelques années. Un mari qui fait la fête, voilà tout ce qu'il y avait au fond de cette affaire de la vie du public. Mais quand 3 jours se furent écoulés, sans que M. Morton réapparût, quand on vit sa femme tomber malade de chagrin, l'émotion remplaça la bonne gaieté. On commença à parler de crime, car on racontait que le gentleman disparu était parti pour Londres avec une grosse somme d'argent. Des rumeurs de scandale couraient, un scandale qui n'épargnait pas Mme Morton et son passé. Dans son désir de retrouver coûte que coûte son mari, elle avait révélé au détective chargé de l'affaire des choses très imprévues. Mais le jeudi suivant, les journaux du soir publièrent l'information suivante. La police a perquisitionné aujourd'hui dans les diverses chambres du Russell's House, une maison meublée de l'avenue du Roi, et elle a eu la chance d'y découvrir M. Morton juste à temps pour le sauver. Notre distingué concitoyen a été volé et enfermé dans cette chambre vendredi 17 dernier. Quand on enfonça la porte, il se trouvait dans un état effroyable d'inanition. Il était étroitement lié à un fauteuil, un châle épais lui entourait la tête, le bâillonnant et l'étouffant à la fois. Il était temps qu'on vînt à son secours. M. Morton n'a même dû qu'à son excellent tempérament de pouvoir résister aux privations et aux horreurs de ses 6 jours d'emprisonnement. On l'a transporté à son domicile du square de Sussex, et nous sommes heureux de pouvoir dire que le docteur Mellish, qui le soigne, déclare qu'avec des soins attentifs, il reviendra bientôt à la santé. Nos lecteurs apprendront avec plaisir que notre police, adroite et active comme d'habitude, a déjà découvert l'auteur de cette épouvantable séquestration.